Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Au cours des dernières semaines, j'ai approché des amateurs de SF, fantastique et fantasy, et leur ai posé trois questions. 1. Quel est votre roman de SF, fantastique ou fantasy préféré? Si vous avez un préféré pour chaque genre, libre à vous de détailler. 2. Pourquoi? Et 3. Pouvez-vous nous résumer l'histoire? Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part des réponses de Mario Fecteau, auteur, entre autres, de l'excellente série de fantasy « Les Maîtres du Pentacle » que vous retrouverez à maîtresdupentacle.com. Bonjour, mon nom est Mario Fecteau. Je veux parler aujourd'hui de mon roman préféré « Tyranne » d'Isaac Asimov. C'est mon roman préféré parce qu'il a un petit côté hollywoodien. À l'époque où je lisais des livres, je lisais surtout les adaptations des films. C'est d'ailleurs une histoire qui s'adapterait très bien au cinéma. Ça ferait un beau roman, ça ferait un beau film intelligent. Des choses qu'on n'a pas tous les jours au cinéma, en science-fiction. Alors, c'est l'histoire d'un peuple, les tyrannies, qui ont envahi plusieurs planètes. Une cinquantaine, effectivement. Et là, ils apprennent qu'il y aurait un document secret quelque part contenant un élément qui pourrait les détruire. Et ils sont à la recherche de ce document. Et ils poursuivent un jeune baron qui a été sur la Terre, donc il aurait eu accès à ce document, puisque le document vient de la Terre. Et le baron cherche lui aussi le document pour son père, parce qu'ils veulent combattre évidemment les tyrannies. Et il se retrouve sur la planète Rodia, où le dirigeant de la planète Rodia est un attardé mental, il faut bien le dire. Lorsqu'on le voit agir, il est vraiment mentalement complètement défait. Et ensuite, il tombe amoureux de la fille, du dirigeant de la planète Rodia. Et là, ils partent dans la galaxie pour essayer de trouver le fameux document en question. Et ils pensent qu'il y aurait une planète rebelle quelque part. Alors ils sont aussi à la recherche de la planète rebelle. C'est elle qui aurait ce document, donc l'arme secrète. Et à la fin, on découvre que le fameux directeur de Rodia n'est pas fou du tout. C'est lui qui a le document. Et le document en question est censé pouvoir détruire tous les peuples et faire quelque chose de bien meilleur à la suite. Et on apprend que le document en question... c'est la constitution des États-Unis d'Amérique. Alors, plutôt que d'avoir des barons, des rois, des reines, on a un système qui serait démocratique. C'est pour ça que j'estime que ça ferait un très bon film. Il plairait beaucoup aux États-Unis, d'ailleurs. Il est assez solide pour faire... quelqu'un pourrait imaginer une suite aussi à ce roman-là. En fantasy, j'ai eu un coup de cœur, deux coups de cœur l'an dernier. La série L'Assassin Royal de Robin Hobb, composée de 13 romans. En français, 6 en anglais, ils ont été coupés pour faire des romans plus courts en anglais. Et la série La Couronne des Sept Royaumes de David Coe, qui elle est composée de 10 romans. Ce sont de belles séries, très complètes, très fournies. Et j'essaie de ne pas trop m'en inspirer pour ne pas faire de la copie. Mais c'est pas évident parce que franchement, ça a été brillant. Ouais, si on parle de L'Assassin Royal, donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se trouve être le fils illégitime du prince. Et là, il apprend le métier d'assassin pour travailler pour la famille royale. Et c'est à peu près au même moment où un groupe de pirates attaque leur région. Et ils ont un pouvoir magique qui permet de détruire toutes les émotions chez les êtres humains. Ce qui fait que, par exemple, une femme va tuer son enfant plutôt que le nourrir. Et là, il faut effectivement qu'il trouve comment combattre ce problème. L'autre série, La Couronne des Sept Royaumes, ça va être un peu difficile. Je ne sais pas si ça va être difficile à résumer. Effectivement, on est sur une planète où il y a deux peuples. Un qui ressemble aux humains. Ce n'est pas le nom qu'ils portent. Mais ensuite, il y en a un qui est un peuple de magiciens. Ils sont plutôt albinos. Ils ont la peau blanche, les cheveux blancs et tout ça. Et ces magiciens-là ont certains pouvoirs. Ils peuvent en avoir deux, parfois trois. Mais il arrive parfois, toutes les générations, il y en a un ou deux qui appellent un tisserand. Et lui, il est capable d'avoir l'ensemble des pouvoirs que ce peuple-là peut avoir. Et là, il y en a un qui veut combattre, disons, les humains pour les prendre en esclavage et que ce serait eux dorénavant qui domineraient le monde. Mais il y a un autre tisserand qui, lui, veut que le système actuel continue à fonctionner. Là, je suis rendu au tome 8 actuellement. Parce que lui, il peut que le fameux tisserand qui est le chef des méchants peut communiquer dans l'esprit des autres de son peuple. Parfois, il va ordonner des meurtres et des tueries. Parfois, et là, il y a des débuts de guerre. C'est une série très complète. On dit l'auteur qu'il a un don pour bien comprendre les émotions humaines. C'est beaucoup plus approfondi que beaucoup d'autres séries. Merci. Merci à vous. Merci, Mario. Et voilà qui met fin à cette émission. Merci de votre attention. À bientôt.